Au détour d'un soir, l'éclair m'a frappé. Son sourire fragile, mon cœur l'a gardé. Dans ses yeux, un monde que je veux explorer. Même si sa lumière parfois veut m'éblouir. Je l'attends quand malgré tout le mal, elle me brise, me piétine et je reste loyal. Elle est la tempête, je suis l'océan. Un amour sincère qui traverse le temps. Ses mots aiguisés tranchent comme des couteaux. Mais moi je tiens bon, je ne perds pas le flot. Sous la pluie de ses doutes, je suis l'ombre subtile. Le feu dans mes veines pour elle indélébile. Je l'attends quand malgré tout le mal, elle me brise, me piétine et je reste loyal. Elle est la tempête, je suis l'océan. Un amour sincère qui traverse le temps. Ses mots aiguisés tranchent comme des couteaux. Mais moi je tiens bon, je ne perds pas le flot. Sous la pluie de ses doutes, je suis l'ombre subtile. Le feu dans mes veines pour elle indélébile. Je l'attends quand malgré tout le mal, elle me brise, me piétine et je reste loyal. Elle est la tempête, je suis l'océan. Un amour sincère qui traverse le temps. On m'a dit lâche prise, elle ne vaut pas la peine. Mais sa voix résonne et mon silence l'entraîne. Elle peut me critiquer, m'humilier encore. Ma foi en elle perdure, éclate comme l'aurore. Je l'attends quand malgré tout le mal, elle me brise, me piétine et je reste loyal. Elle est la tempête, je suis l'océan. Un amour sincère qui traverse le temps.